So I'm happy to see you, all of you who are taking the chance to, you're taking time away from your normal lives to learn about meditation. There are people on this retreat who have a lot of experience, and there are people who have hardly any at all. But for whoever is coming here, what's important is to listen to the instructions and try to apply them as continuously as possible. And there will be opportunities to meet. Anytime you have a question and you're not scheduled for a meeting, you can always write a note to me, and I will try to address any things that may come up for you in the moment. Bonsoir, je suis content de vous voir. Ceux qui sont là, ils ont de la chance de trouver du temps dans la vie normale pour apprendre la méditation. Certains ont de l'expérience dans la méditation, d'autres pas du tout. Mais tout le monde peut écouter les instructions et les appliquer aussi de façon aussi assidue et continue que possible. On aura des occasions pour se voir. Si vous avez des questions entre les deux entretiens, les deux interviews, alors vous pouvez m'écrire une note en expliquant ce qui se passe avec vous. Qu'est-ce que le Bouddha a enseigné? On peut dire en quelques mots qu'il a conseillé d'éviter tous les actes nuisibles et accomplir tous les actes bienveillants, tous les actes bien, et purifier notre esprit. Toutes ces trois choses, nous allons les pratiquer en retraite, mais la pratique principale, c'est de purifier l'esprit. Et c'est pour cela que nous allons nous efforcer à le concentrer. Mais pour pouvoir concentrer l'esprit, il faudra éviter de faire des choses erronées, donc laisser derrière tout ce que vous avez, tout ce qui était dans la vie normale. Et nous allons, pour soutenir cette pratique de purification, nous allons prendre les préceptes moraux. Nous sommes très fortunés d'avoir des conditions que nous avons trouvé ici, et ceci, entre autres aussi, grâce aux bénévoles. Eux-mêmes, ils ont pratiqué dans le passé, certains beaucoup, et comme ils ont apprécié, ils ont vu la valeur des enseignements, ils veulent rendre disponibles ces enseignements. Et c'est pour cela qu'ils agissent comme bénévoles. Il y a aussi toutes les personnes qui sont derrière l'organisation et qui ont aussi développé le centre pendant de nombreuses années, parce qu'ils trouvent que c'est important de rendre ces enseignements disponibles. Nous sommes véritablement fortunés parce que nous avons des conditions approprié. Certes, peut-être il y a du bruit, mais il y en a certainement moins que dans les endroits d'où nous venons. Le Bouddha a enseigné qu'il faut être conscient de tout ce que nous faisons. Ceci est le but, et quelle que soit la posture dans laquelle nous sommes, qu'on soit assis, allongé, en train de marcher ou être debout, qu'on entend les sons, qu'on sent les parfums, qu'on touche les choses ou qu'on pense, tout ceci peut être des objets dont il faut être conscient. Cette retraite est organisée de telle façon que c'est très bien structuré, de telle façon qu'on pratique de façon intensive, mais toutes ces instructions sont tout à fait utilisables dans notre vie de tous les jours. Si nous voulons atteindre la paix, le plus important, c'est de ne pas nuire aux autres. Nous avons les préceptes, les différents préceptes, en particulier, nous avons le minimum de préceptes pour les personnes, pour les laïcs. Et donc, il y en a cinq, en commençant par ne pas tuer. Nous-mêmes, nous ne voulons pas être nuits, nous ne voulons pas souffrir, donc il est tout à fait logique de ne pas faire souffrir les autres. Donc ça, c'est la première chose à éviter. La deuxième, c'est le vol. Nous n'aimons pas quand quelqu'un prend quelque chose de nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous comprenons parfaitement qu'il faut éviter de faire la même chose aux autres. Donc nous prenons l'engagement de ne pas prendre ce qui appartient aux autres. Le troisième, c'est l'adultère et d'autres activités sexuelles violentes. Nous n'aimons pas, nous ne voudrions pas que, par exemple, notre mariage ou notre couple soit détruit. Alors, nous allons parfaitement comprendre que ce n'est pas juste de faire la même chose aux autres. La quatrième activité à éviter, c'est le mensonge, parce qu'ici, nous, entre autres, nous venons pour chercher la vérité et donc pour ne pas déranger cette activité de ces recherches, nous évitons de mentir. Et la cinquième chose à ne pas faire, c'est ne pas consommer les drogues, l'alcool et les intoxicants. Pourquoi? Parce que si on les consomme, nous allons oublier ce qui est approprié et ce qui n'est pas. Et donc ceci, les cinq, c'est le minimum nécessaire au niveau moral, parce que ça nous permet de développer la concentration et grâce au développement de la concentration, nous allons développer la sagesse. Même s'il est possible de développer la concentration et la sagesse en ne gardant que cinq préceptes, ici dans la retraite résidentielle, il est conseillé de garder les neuf préceptes. La différence entre les 5 et 9, c'est que parmi les 5 premiers dont on en a parlé, le troisième, c'est d'éviter l'adultère. Et ici, on évite tous les types des activités sexuelles. On évite toutes sortes d'activités sexuelles. Après cela, donc il y a quatre précepte supplémentaire. Le sixième, donc c'est ça concerne la nourriture. On s'engage à ne pas manger, ne manger que au petit déjeuner et au repas de midi. Donc le petit déjeuner c'est à 6 heures, le repas de midi à midi et après on arrête, on ne mange plus. Après cela, on peut prendre ce qui est considéré comme des médicaments, par exemple les jus de fruits. Par contre, il faudrait éviter de prendre du café, du thé, du café au lait, etc. Donc, tout ce qui est considéré comme médicaments, ce qui est utile pour la santé, ce sera proposé pendant la... c'est à quelle heure que c'est? Les jus de fruits, c'est à 4 heures de l'après-midi. Si nous ne mangeons pas le dîner, alors ça nous laisse plus de temps pour méditer. Il est tout à fait possible de nous adapter, d'adapter notre façon de se nourrir. Et progressivement, il est tout à fait possible de changer. Donc, cette façon d'adapter notre façon de se nourrir, ça soutient la pratique. Et le septième, c'est d'éviter les distractions, éviter de s'embellir et d'utiliser les différents ornements. Donc, on évite de danser, chanter, écouter, jouer les instruments musicaux. On peut utiliser le déodorant pour ne pas déranger les autres. En ce qui concerne par exemple les boucles d'oreilles et autre chose, parfois on a des piercings et alors à ce moment-là c'est difficile de les enlever. Ou par exemple en Birmanie, il n'y a pas d'endroit pour mettre tous ces objets de valeur dans un endroit en sécurité, alors on fait des exceptions. Et le huitième précepte, c'est de ne pas dormir sur les lits hauts ou larges, les lits luxueux, ou à ne pas être assis sur les sièges similaires. Ceci nous permet de garder notre précepte de célibat, mais aussi ça nous permet de rester éveillé, parce que si on a un lit très confortable et large, alors ça va nous retenir, ou ça va nous inviter à rester. Et donc il suffit d'avoir un lit simple et pas trop de coussins. D'oreiller, pardon. Et le neuvième précepte, c'est de garder la bonne volonté, appelée en pali metta, envers tous les êtres. Ça, c'est aussi important. Nous ne vivons pas dans un endroit, nous ne vivons pas seuls, isolés du monde. Donc, nous essayons d'établir le désir, le souhait que les autres sont heureux, exactement comme nous souhaitons ça pour nous. Donc, il est bien de consacrer un peu de temps pendant la journée pour cette pratique. Donc voilà les préceptes que nous allons prendre, mais à cela se rajoute aussi la prise de refuge en le Bouddha, en le Dharma, en le Sangha. Nous ne devons pas prendre le bouddhisme comme religion, mais il est conseillé dans cette pratique de considérer le Bouddha comme quelqu'un... comme notre appui, quelqu'un sur qui nous pouvons nous appuyer. Et le Dhamma ou le Dharma en sanskrit, c'est la pratique, c'est ce que le Bouddha a enseigné et c'est ce sur quoi nous nous appuyons. Le Sangha, c'est ceux qui ont pratiqué et qui ont atteint la libération des souillures. Il y a aussi le sangha ordonné qui pratique, en train de pratiquer pour aller vers la libération. Et c'est à travers, grâce à cette confiance que nous avons dans le sangha, nous allons nous appuyer sur le sangha, et de cette façon, c'est le refuge. Est-ce que vous êtes d'accord de prendre les préceptes en commençant cette retraite? Faisons ça. Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, Bouddha, gentle Jeremy. O Gaza, Abante, Tisaranena Saha, Navanga Sananagatam, Uposata Silam, Dhamam Yachami, Anogaham, Kato, Silam Deta, Mephante, Jiyampe, Ahanante, Tisaranena Saha, Navanga Samanagatam, Uposata Silam, Dhamam Yachami, Anugaham Katva, Silam Deta, Mephante, Tiyampe, Ahamante, Tisaranena Saha, Navanga Samanagatam, Uposata Silam, Dhamam Yachami, Anugaham Katva, Silam Deta, Mevante. Yamaha Vadami Tamadeta. Anagante. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Buddham Saranam Gacchami. Buddham Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Dhammam Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tisaranagaham Gahanam Paribhonam. Anatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Anatipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Please read in your own language now. Read aloud. What it force d'observer le précepte et pas tuer. And in Flemish. Can you read who people who have the Flemish book? Are you the only one? Sorry. Can you read aloud the precept? Flemish or In Flemish. We just said pranatipata. What is that? Yeah, sorry. Precepts. Do you see? So what I want people to do is after reading the Pali, then the French people with the French book, please read it aloud in French. And then the people with the Flemish book, please read aloud in Flemish. Because when the Pali is pronounced in the wrong way, it can change the meaning completely. So it's just to make it clear in your minds what is being said. That's all. Ik verbind ertoe te vermijden wezens te schaden. Ik verbind ertoe te vermijden te nemen wat niet gegeven is. Verbind me ertoe alle seksuele. No. Just the first one. So we'll do one in Pali and then one in French. In Flemish. Okay. So the second precept. Adina dana veerani sikabadam samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas prendre ce qui n'a pas été donné. Go ahead. Mm-hmm. Okay, so repeat the Pali after me. Répétez le Pali après moi. Abrahamacharya veeramani sikabadam samadhiyami. Abrahamacharya veeramani sikabadam samadhiyami. Je me force d'observer le précepte de m'abstenir de toute activité sexuelle. Musawada veeramani sikabadam samadhiyami. Savada veeramani sikabadam samadhiyami. Je me force d'observer le précepte de ne pas mentir. Sura meraya majapamadatana veeramani sikabaram samadhiyami. Majapamadatana veeramani sikabaram samadhiyami. Je m'efforce d'observer le précepte de ne pas consommer d'alcool ou de drogue qui conduisent à la négligence. Vikala bhojana veeramani sikabadam samadhiyami. Vikala bhojana veeramani samadhiyami. J'offre d'observer le précepte de ne pas prendre de nourriture solide après-midi et no, sorry. Naja, repeat. Naja. Ida. Ida. Wadida. Wadida. Visukadasana. Visukadasana. Malaganda. Malaganda. Vilepana. Vilepana. Dharana. Vandana. Vibhusanatana. Vibhusanatana. Veeramani sikabadam samadhiyami. Veeramani sikabadam samadhiyami. Force d'observer le précepte de ne pas danser, chanter, jouer d'un instrument de musique, assister à des spectacles, me parfumer, me parer de bijoux, de fleurs ou de tout ce qui tend à embellir le corps. verbindt waartoe niet te dansen, te zingen, muziek te maken, voorstellingen bij te wonen, mezelf te parfumeren, juwelen, bloemen of make-up te gebruiken om mijn lichaam te ontvangen. Ocha Sayana Mahasayana Viramani Sikabadam Samadhyami. Ocha Sayana Mahasayana observer le précepte, ne pas utiliser de vie ou de fauteuil. Metta sahagatena cetasa sabbapana bhutesu prithava viharanam samadhiyami. Metta sahagatena cetasa sabbapana bhutesu prithava viharanam samadhiyami. Je me force d'observer le précepte, de garder l'esprit calme, bienveillant à l'égard de tout le monde. Idam me siram nagapala jnanasa pachayo otu. Apamadena sampadita. Amavante. Nous avons un peu de temps pour la méditation. Donc, et après, il y a les objets visuels qui rentrent en contact avec la porte de l'œil, les objets auditifs qui rentrent en contact avec l'oreille, les odeurs qui rentrent en contact avec la porte du nez, les goûts avec la langue quand nous mangeons, les objets de toucher qui entrent en contact avec le corps, par exemple le vêtement qui touche notre corps. Et après, il y a aussi les pensées, ce qu'on appelle les dhammas, qui rentre en contact avec la porte de l'esprit. Mais au début, même s'il y a beaucoup d'objets dont on peut être conscient, il est plus facile d'observer les objets qui sont évidents. Dans notre retraite, l'objet que nous allons observer, c'est les mouvements de l'abdomen. Se produit quand nous respirons, quand nous inspirons, nous expirons, quand nous inspirons l'abdomen. Et il y a le mouvement d'expansion et quand nous expirons, l'abdomen retombe. Nous nous asseyons tout droit, avec les mains soit l'une dans l'autre, ou sur les genoux avec les mains vers le haut ou vers le bas, tournées vers le haut ou vers le bas. Les jambes doivent être croisées, mais il n'est pas nécessaire de mettre une jambe sur l'autre parce que ça coupe la circulation. Donc, une jambe devant l'autre. Nous pouvons être assis sur un coussin, sur un petit banc, ou, si nécessaire, sur une chaise. Nous allons fermer les yeux et porter notre attention à l'abdomen. Donc, nous dirigeons notre esprit sur l'abdomen parce que c'est là que ça va se produire. Au début, quand nous inspirons, l'abdomen va s'élever, va s'étendre. Et nous suivons ce mouvement du début jusqu'à la fin. Nous allons noter ou étiqueter en disant silencieusement dans notre esprit « s'élever, s'élever, s'élever ». Soulèvement. Quand le soulèvement s'arrête, va commencer l'abaissement. Et donc, nous suivons ce mouvement du début jusqu'à la fin en notant dans l'esprit abaissement, abaissement, abaissement. Nous continuons à regarder le soulèvement et l'abaissement. Nous gardons l'esprit posé sur cet objet à chaque fois en essayant d'attraper, de saisir le début et de suivre le mouvement du début jusqu'à la fin. À l'inspire, et la même chose à l'expire, du début jusqu'à la fin, et on note soulèvement, soulèvement, abaissement, abaissement. Et en essayant de faire ceci, l'esprit peut aller ailleurs. Même si nous essayons d'attraper le soulèvement et l'abaissement, parfois l'esprit est en train de divaguer. Et donc quand nous voyons ceci, nous notons distraction, distraction. C'est quoi wandering? Vagabond. Vagabondage, vagabondage. Et nous ramenons notre esprit sur la respiration. Et il se peut que les pensées apparaissent. Alors à ce moment-là, on va les noter, penser, penser ou faire des projets, se souvenir. Il se peut que entre l'inspiration et l'expiration apparaissent des pensées, des souvenirs, on fait des projets. Alors nous notons ceci 3 ou 4 fois et revenons sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Il se peut que vous allez expérimenter des démangeaisons, des sensations inconfortables, des douleurs. Alors notez ça plusieurs fois et après ramenez, donc notez démangeaisons ou des démangés, douleurs, l'inconfort et ramener votre attention sur l'abdomen. Donc quand vous entendez les bruits, vous sentez les odeurs, tout simplement noter, entendre, entendre, sentir, sentir et ramener votre attention sur le soulèvement et l'abaissement. Quand il n'y a rien qui apparaît, alors continuez à regarder le soulèvement et l'abaissement en notant. Et quand quelque chose apparaît, quelque chose surgit, alors notez et ramenez à l'esprit l'attention sur l'abdomen. Et nous allons méditer 2 ou 3 minutes. Sadhu, sadhu, sadhu. D'abord, nous allons pratiquer un peu la méditation de l'amour bienveillant. Et après, nous allons réciter ce qui est appelé l'hommage. Juste répétez après moi. Quand vous parlez des personnes, des différentes personnes, imaginez que les personnes sont en bonne santé et heureux. Concentrez-vous sur le cœur. Et envoyer les souhaits bienveillants à ces personnes-là. Si tout le monde est d'accord de répéter après moi en anglais, ce serait le plus simple. Est-ce que ça va pour tout le monde? May I be well, happy and peaceful. So say it 3 times. Répétez 3 fois. May I be well, happy and peaceful. May I be well, happy and peaceful. May I be well, happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful. May my parents be well, happy and peaceful. May my family be well, happy and peaceful. May my family be well, happy and peaceful. May my family be well, happy and peaceful. May my family be well, happy, and peaceful. May my relatives be well, happy, and peaceful. May my relatives be well, happy, and peaceful. May my relatives be well, happy, and peaceful. May my relatives be well, happy, and peaceful. May all the yogis be well, happy, and peaceful. The yogis and volunteers. May all the yogis and volunteers be well, happy, and peaceful. May all the yogis and volunteers be well, happy, and peaceful. May all the yogis and volunteers be well, happy, and peaceful. May all beings everywhere be well, happy, and peaceful. May all beings everywhere be well, happy, and peaceful. May all beings everywhere be well, happy, and peaceful. May all beings everywhere be well, happy, and peaceful. Nous allons dédier le mérite de notre pratique à travers l'hommage. En français, page 21. Imaya Dhamma Bhutam Bhuchay Imaya Dhamma Bhutadhyaya Dhamma Bhuchay Imaya Dhamma Bhutadhyaya Dhamma Bhuchay Dhamma nu dhamma pati pati ya mata pita ro bhuje mi Adhaimaya Pachipadaya Jaramaranana Parimuchisami Idame Punyam Asavakayavam Otu Idame Sila Magapala Asa Pachayo Otu Imano Punyam Bhagam Sarva Satanam Dema Sarve Sata Sukhita Hontu Sadhu Sadhu Sadhu. Quand vous allez vous lever, restez quelques minutes en étant conscient de tout le corps et commencez d'être debout avant d'aller rentrer. Restez quelques instants et restez conscient de cette posture debout. Et on se retrouve demain à 5 heures. Reposez-vous bien. So get a good rest and we'll see you tomorrow at 5.